chez les Watts. Psychothérapie. Peut-être une victoire française et un maillot jaune, peut-être. Franck Fitzik. Et oui, c'est vrai qu'avec lui, on n'est jamais déçu. Il y a toujours quelque chose à dire. Let's sort de ce corps. Je vois là-bas le peloton. Alors, que dire aujourd'hui? Jour numéro 4. Jour de pause. À Rouen, toujours. Rouen, la ville de Jeannette. On a visité. Oh, on est allé voir la cathédrale. C'est pas mal, la cathédrale de Rouen. Ah, tu te sens tout petit dedans, c'est terrifiant. Ça fait peur. En même temps, c'était un peu le but, hein, niveau architectural, de faire des énormes piliers comme ça et des énormes portes pour bien te faire comprendre que t'étais vraiment une petite merde. C'est assez austère à l'intérieur quand même, mais c'est assez sobre, mais ça impose le respect, quoi. Après, il y avait tu sentais que ça avait inspiré pas mal de créations dans la fantaisie et tout. Il y avait des formes qui étaient très très très très Seigneur des Anneaux, très elfique, tu vois, des trucs comme ça. Ça m'a fait penser à ça direct. Plus que d'autres édifices que j'ai pu voir. C'était assez ouf. Ça, une église qui s'appelle l'église Saint-Maclou, pareil. Et puis un peu tout le centre-ville. Là, il y a un palais de justice qui est incroyable lui aussi. Et puis je suis repassé par le musée des Beaux-Arts, qui a des pièces sublimes. Qui a vraiment des tableaux somptueux. Notamment un qui s'appelle le Massacre des Innocents, où je suis resté devant pendant 20 minutes, je pense, où Ariane et Thésée, voilà, pas mal de pièces comme ça qui sont assez hypnotiques, je dirais même. Mais bon, ça a été une petite journée, parce que j'ai quand même passé la matinée à pioncer, quoi. C'était... Ouh là là, ça faisait du bien d'être dans un lit, quand même. Ça faisait du bien d'être dans un lit. Demain, on va repartir en direction de Honfleur. Alors, j'ai regardé la météo de la semaine. Ça n'a pas l'air jojo. Apparemment, il pleut à partir de mercredi soir. Jeudi, orage, vendredi, samedi, dimanche dans le coin. Jusqu'à Caen. Donc, ça risque d'être un peu compliqué niveau météo. En fonction de comment ça évolue, il faudra peut-être prévoir un nouvel abri pour vendredi, samedi prochain, parce que il ne s'agirait pas d'être en tente sous les éclairs, quoi. Ça, c'est hors de question, évidemment. Je ne sais pas trop, du coup, où est-ce qu'on sera dans une semaine. Normalement, dans une semaine, on devrait avoir passé les plages du débarquement. Mais c'est hypothétique, quoi. Demain, on devrait être à peu près vers Honfleur, un peu avant, en fonction de par où on passe. J'hésite à prendre la totalité des voies vertes qui sont le long de la Seine jusqu'au Havre, mais je crois que les voies vertes, elles sont côté Havre, pas côté Honfleur. Donc j'ai pas très très envie de refaire une traversée en ferry du Havre à Honfleur, juste pour ça. Donc peut-être qu'on va faire des morceaux. Parce qu'en fait, là, dans ce coin-ci, la Seine, elle fait des grosses loupes, des grosses vagues. Et ça rajoute un certain nombre de kilomètres, hein, on va pas se le cacher. Mais ouais, c'est pas forcément... Est-ce que c'est nécessaire de faire 120 km quand on peut en faire 60? Certes, ça serait beau. Mais après les jours précédents... Après les difficultés des jours précédents, est-ce que c'est bien malin? Je suis pas sûr. Sachant que là, j'ai quand même pas mal envie d'arriver sur la côte. Parce que quitte à me prendre du vent dans la tronche, je préférais que ce soit avec de l'iode, quoi. Donc bon. Voilà. D'ici une semaine, on devrait être vers... Ouais, je pense qu'on aura passé les plages du débarquement, normalement. Il y en a peut-être un petit woofing qui nous attend dans une grosse semaine, du coup, à Dinger. Alors, c'est près de Rennes, entre Rennes et le Mont-Saint-Michel, environ. Et on a un petit woofing normalement là-bas qui nous attend. Alors le woofing, c'est du travail dans une ferme ou un écolieu ou un truc comme ça, contre hébergement et nourriture, quoi, et repas. Donc il y a quelqu'un qui a proposé ça sur Facebook. Et bah, j'ai dit ouais, carrément, en fait, c'était exactement sur la route que m'avait tracé Komoot, l'application GPS que j'utilise. Donc carrément, c'est intéressant. Donc peut-être dans une grosse semaine, ou en tout cas le début de la semaine suivante, là-bas. Mais bon, d'ici là, on aura pas mal déjà de choses à voir. Hein. On va faire Honfleur, Deauville, Trouville, Caen, jusqu'après les plages du débarquement. Oh là là. Oh, ça me fatigue déjà. Là, j'ai eu du mal à me réveiller ce matin. Hein. C'était terrible. Hein. Beaucoup dormi, j'ai dormi très très fort et j'ai végété après pendant au moins 3 heures, quoi. J'ai fait aussi pas mal d'étirements, attention, beaucoup d'étirements ce matin parce que bah, les contractions musculaires et probablement un manque d'hydratation font que les muscles au niveau des jambes sont très très tendus, toujours un peu les jambes lourdes, même si ça va quand même mieux là aujourd'hui. Et surtout après les étirements, mais du coup ça crée des tensions au niveau des genoux, surtout du genou droit. Donc on va essayer de faire très très attention à ça. Il s'agirait pas d'avoir le genou bloqué, parce que c'est musculaire, hein, ou c'est ligamenteux, mais c'est les tensions musculaires qui viennent créer ça. Donc voilà, on fait attention. J'ai fait quasiment 1 heure d'étirement ce matin pour dire de venir calmer ça. Ça a bien marché. Je referai ça ce soir sans hésiter pour dire de essayer de détendre un peu tout ce bordel, quoi. Voili voilou, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Ah si, j'ai découvert un dernier truc qui peut être intéressant si vous écoutez des podcasts. C'est un mec qui fait exactement la même chose, qui fait lui aussi le Tour de France et qui tient lui aussi un podcast, et ça s'appelle Les Nouveaux Aventuriers. Et en fait, lui, il fait le Tour de France des gens qui sont en transition. Donc je lui ai envoyé un message en lui disant que bah finalement on faisait pas loin de la même chose. Même si moi c'est pas l'objectif d'aller d'étape en étape pour interroger des gens en transition. Mais je serais ravi d'en rencontrer, et on va en rencontrer, et peut-être des gens qui ont fait une transition depuis longtemps, notamment dans les woofing, dans les fermes, tout ça. Compte bien en croiser, et même en tant que cyclotouriste, j'imagine qu'il y a d'autres gens qui sont en train de faire un break pour remettre les choses en place. Donc j'imagine qu'on va en croiser de toute façon, mais c'est pas l'objectif ultime en soi. Tandis que lui, c'est son objectif, et il va de personne en reconversion en personne en reconversion, ou qui essaye de changer les choses autour d'eux. Et je trouve ça vachement intéressant. Et on a un parcours qui n'est pas si éloigné. On passe presque par les mêmes endroits, même si lui, il est parti du bout de la Bretagne et qui finit à Lille. Donc il fait tout le tour. Et que bah, nous, on est légèrement en décalé, quoi. Donc je pense qu'il est déjà un petit peu plus au sud que nous, je crois. Il est peut-être à 400-500 km, mais vu qu'il fait pas mal d'arrêts et pas mal de zigzags, je lui ai dit, écoute, why not, en fonction de comment on se débrouille tous les deux, on peut peut-être se croiser, et ça pourrait être sympa d'échanger sur nos créations, justement, du moment, et des rencontres qu'il aura fait et que j'aurai fait d'ici là, quoi. Ça peut être vachement marrant d'échanger sur, au final, un truc similaire qu'on est en train de créer tous les deux. Voilà, donc allez écouter, quoi, ça peut être sympa. Moi, j'ai commencé à écouter le premier épisode, mais comme j'ai pas la Wi-Fi, là, j'évite de consommer trop de data en téléchargeant des podcasts, quoi. J'ai fait une bonne sauvegarde avant. Voilà. Je tourne à un truc qui s'appelle les 2030 Glorieuses. C'est pas mal. C'est dans le même sujet. Et c'est vachement intéressant, quoi. Ce soir, il nous reste un dernier truc à voir. C'est les illuminations sur la cathédrale de Rouen. Voilà. Il paraît que c'est magnifique. Mais bon, il fait sombre assez tard. Donc c'est à 22h. Donc il faut tenir jusqu'à 22h. Et aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Et je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à 22h. Il va falloir que je trouve un moyen pour me mettre un petit coup de fouet. Parce que purée, si tous les jours je me réveille comme ça et puis que je n'arrive pas à me remettre en jambe, ça va être compliqué, hein. Pourtant, ça y va, hein. Les fruits secs, les noix, les amandes. J'ai bien mangé à midi, un énorme couscous, qui était beaucoup trop gros d'ailleurs. Il y en avait au moins pour deux personnes. Hein. Ouh là là là, couscous du chef là. Ça, vous auriez vu les plats. Non mais il y en avait beaucoup trop. De toute façon, je leur ai dit, écoutez, c'était très bon. Mais il y en avait beaucoup trop. Elle m'a dit, ah bah oui, c'est copieux, hein. Bah oui, mais bon, c'est un peu débile aussi. Faites-en moins, ça fera moins de gâchis, ça vous coûtera moins cher. Ah là là. Donc ouais, même un petit peu de complément niveau sels minéraux et tout. Mais malgré ça, fou là là. Je me sens. Enfin ouais, aujourd'hui, je suis un peu claqué. Mais je pense que je suis resté trop longtemps au lit. Hein. Clairement, j'ai un peu trop végété. Mais ça fait du bien aussi. Ça faisait du bien, vraiment du bien d'être dans un lit, la vache. Ah ouais, ça c'était pas mal. Moi, j'ai vu qu'il y avait des campings naturistes près d'Honfleur. Je pense qu'on va éviter. Pas que j'ai quelque chose contre eux, mais à mon avis, je suis pas prêt.